moi j'étais certain qu'entre nous, c'est fini. Que plus rien ne nous tient, mis à part cet ennui. Que le goût de mes lèvres